Voici votre bulletin régional. Au Centre culturel de Whedon, le 16 janvier à 20h, nos démons de l'humour présentent Pourquoi pas? Il s'agit d'un duo d'humoristes.